Alors voyons les mots qui se terminent par ible. Eh bien, il y a possible qui se prononce possible. Possible en anglais, possible. Possible, possible. Able en anglais, c'est able. Et un mot de tous les jours, table, mm-hmm. table. Vous saviez même pas que vous connaissiez ces mots, hein, en anglais. Oui, vous savez déjà. Possible et table. Hein, en une minute, vous avez déjà appris deux mots. Et quand vous pensez à la grandeur de cette famille de mots, eh bien, vous voyez qu'on peut apprendre l'anglais très rapidement. Alors, on va faire un petit exercice maintenant. Table, en anglais. Table. Table, c'est pas mal. Table, table. Comment ça se dit, table? Table. Table. Table. Table. OK. Possible. Possible. Possible. Possible. Possible. Possible. Possible. Et terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Terrible. Voilà, bon, il y a un petit problème sur le R, mais on verra ça un petit peu plus tard. Ah, terrible. Bon. Un autre mot, acceptable. Acceptable. Acceptable. Acceptable. Acceptable. Hein? Comme acceptable, acceptable. Acceptable. Acceptable. OK, un autre mot un peu plus difficile peut-être. Confortable. Alors là, petite différence, c'est comfortable. Comfortable. Comfortable. Oh, c'est pas mal. Comfortable. Comfortable. Comfortable. OK. Alors, si vous voulez dire « c'est » en anglais, comme dans « c'est possible », il faut dire « it is ».« It is ». ».« It is ». It is. Encore une fois. It is. Hmm? It is. It is. C'est possible. It is possible. Possible. Possible. Voilà. It is possible. It is possible. Au lieu de dire it is, vous pouvez faire une contraction en disant it's. It's. It is. Possible ou bien it's possible. It's. It's possible. It's possible. Et maintenant, ce n'est pas. It is not. It is not. It is not. It is not. It is not. It is not ou la contraction it isn't. It isn't. It isn't. Oui. It isn't. C'est. It's. It's. Ou bien. It is. It is. Ce n'est pas. It is. It. It is. It is not. Not. It is not. It is not. It is not. It is not. Et avec la contraction? It isn't. It isn't. It isn't. It Encore une fois? It isn't. It isn't. It is not. Ou la contraction? It isn't. It isn't.